Chapitre 6e, l'expertise. À l'heure indiquée, l'avocat Maxou, accompagné du docteur Cavarox, se présentait au palais de justice de Château-Chinon. Ils trouvèrent le juge d'instruction avec un pharmacien de la localité dans la salle dépendant du greffe, transformée pour la circonstance en laboratoire. Sur une table était un appareil de marche, des réactifs et une soucoupe de porcelaine. Sur le rebord de la fenêtre, on voyait un réchaud enflammé. L'appareil de marche se composait d'un flacon à col droit dans lequel on introduit la substance supposée arsenier. Cette substance se trouve entraînée par un courant d'hydrogène dans un tube dont le milieu est entouré de clinquants, lamelles de métal fort mince, chauffées au rouge. Si la substance introduite contient de l'arsenic, on voit à l'extrémité du tube ou dans la soucoupe une gouttelette ou tache noire. Cette gouttelette ou cette tache dénote la présence de l'arsenic. Cavarox, en apercevant ces divers objets, laissa échapper un soupir de dédain. « Que prétendez-vous faire avec ces choses d'un autre âge ? » demanda-t-il au pharmacien. « L'appareil de marche est très sensible, » riposta M. Courcejus. C'était le nom du praticien morvandais. Il permet de reconnaître la présence d'un millionième d'arsenic dans une liqueur qui en renferme, et pourvu que les réactifs soient purs, la démonstration est infaillible. « Oui ?» À cette condition seule, mais qui garantit leur pureté, avez-vous au moins vérifié ceci ? Le pharmacien redressa la tête sous cette impertinente apostrophe, puis il assujettit ses lunettes sur son nez et regarda en face le docteur Cavarox. « Quels sont donc vos moyens d'expérimentation à vous, monsieur, qui dédaignez si fièrement les miens ? » répondit-il. « Je vous les montrerai tout à l'heure, » répliqua Cavarox. « Mais veuillez m'apprendre quelle sorte de poison vous prétendez reconnaître à l'aide de cet appareil. » « L'arsenic est l'antimoine, » dit M. Courcejeux, « fort bien. » Cependant, si le poison qu'on va nous remettre était d'une autre nature, alors j'emploierai d'autres réactifs. Mon procédé reconnaît tous les poisons sans exception aucune, » repartit Cavarox avec un aplomb superbe. « Quel est-il, ce fameux procédé ? » ?»« L'examen spectroscopique, au moyen du spectre solaire. » « J'ai entendu parler de cette invention d'origine récente, » répondit Courcejeux. « Mais votre système n'a pas encore détrôné le mien. »« Affaire de routine, mon cher monsieur, patience. »« Nous lui ferons rendre gorge à cette affreuse routine qui nie la lumière, qui lui crève les yeux. » L'entretien tournait allègre. Le juge d'instruction pensa opportun d'intervenir. « Allons, messieurs, » dit-il en souriant, « pas de discussion inutile. Vos procédés se contrôleront et je serai enchanté d'assister à l'expérience. » Il fit alors signe au greffier, qui sortit d'un placard un petit papier fermé avec soin et revêtu du cachet rouge de la justice. Pendant ce temps, Cavarox préparait son spectroscope. Le pharmacien, de son côté, introduisait dans le col droit de l'appareil de marche du sulfate de zinc, de l'eau et quelques gouttes d'acide sulfurique. Puis il plaça le réchaud enflammé sous la partie de l'autre tube enveloppée dans du clinquant et l'hydrogène, se dégageant aussitôt, chassa l'air du flacon. Cela fait, il attendit en silence, les yeux fixés sur l'appareil. Tout à coup, son visage s'assombrit. Une tache venait de se produire à l'extrémité du tube. « Vos réactifs ne me paraissent pas aussi purs que vous l'affirmiez, » lui dit Cavarox. « Je vais en employer d'autres, » grommela le pharmacien. Cependant, le juge d'instruction, après avoir enlevé le cachet qui recouvrait le papier, en tira une poudre blanche dont il remit la moitié à Cavarox et à Courcejus. La double expérimentation commença. Le pharmacien versa la poudre blanche dans le flacon et le dégagement de l'hydrogène s'opéra très rapidement. Mais aucun anneau décelant la présence de l'arsenic ne se forma dans le tube. Un instant, il crut pourtant apercevoir un point d'un brun fauve et ses regards rayonnèrent. Il cessa de faire chauffer et il enflamma le gaz. Rien n'apparut. Le vieux praticien était stupéfait. Maxou, durant ce temps, regardait les opérateurs d'un œil distrait. Sa pensée était ailleurs. Soudain, un éclair illumina son visage. Il s'approcha de M. Duranger et lui demanda si l'enveloppe qu'il avait sous les yeux était bien celle qu'on avait trouvée dans l'album qui renfermait la substance suspecte. « C'est la même, » dit le juge d'instruction. « Pourrais-je la voir ?» M. Duranger, pour toute réponse, mit le reste de la poudre sur un autre papier et présenta l'enveloppe à Maxou. La pâte qui avait servi à sa fabrication était celle qu'on emploie pour le papier à lettres ordinaire. Elle n'offrait rien de particulier, sinon qu'elle avait dû faire partie d'une feuille de papier à lettres, car on pouvait remarquer encore la trace de la déchirure. L'avocat retourna l'enveloppe en tous sens et l'examina avec le plus grand soin. Bientôt il poussa une exclamation. « Auriez-vous découvert quelque chose ?» dit le juge. « Oh, presque rien. Mais vous le savez, en matière criminelle, ce sont souvent les plus faibles indices qui conduisent à de grands résultats. Tenez, regardez. » Il prit l'enveloppe, la plaça contre le jour, et l'on put voir distinctement se dessiner dans l'intérieur les lettres suivantes ainsi disposées, E.S. Puis au-dessous, en lettres plus petites, I.N.S. Quelle importance attachez-vous donc à la découverte de ces caractères ? Demanda M. Duranger à son ancien camarade d'école. Une immense ! Ces lettres imprimées dans le papier peuvent nous mettre sur la trace de la provenance du poison. Un quart d'heure plus tard, l'un des principaux papetiers de Château-Chinon, qui avait été appelé sur la demande de Maître Maxou, était introduit dans le cabinet du juge d'instruction. L'enveloppe lui fit remise. Ce papier, dit-il après l'avoir regardé et palpé, est celui dont on se sert ordinairement dans les hôtels publics, et il doit sortir des fabriques de rives. Je pensais, répliqua Maxou, qu'on n'y confectionnait que des papiers de luxe. Erreur, monsieur. On y confectionne également les uns et les autres, répondit le papetier, et j'ai justement dans mon magasin plusieurs rames de ce papier. Peut-être alors cela vient-il de chez vous ? Dit vivement M. Duranger. Non, monsieur le juge d'instruction, mon papier, contrairement à celui que voilà, ne porte aucune lettre dans l'intérieur. Savez-vous ce que signifie celle-ci ? Elles peuvent être la marque d'une maison de commerce tout aussi bien que l'indication d'une hôtellerie quelconque. Du reste, il est très facile de s'en renseigner à cet égard. Le fabricant de rives vous dira à première vue le nom du client pour lequel il a confectionné ce papier. En ce cas, repartit M. Duranger, je vais adresser une commission rogatoire au juge de paix de Ribes, et sous 4 jours, nous connaîtrons l'origine de ce papier. Le papetier se retira. Le juge d'instruction et Maxou rentrèrent dans le greffe. Le docteur Cavarox et le pharmacien avaient terminé leurs opérations. M. Courcejus avouait dans son rapport qu'il y avait doute de sa part. Il supposait que la poudre était de l'arsenic, mais il n'avait aucune certitude matérielle à cet égard. Cavarox, dans un mémoire très concis et très clair, expliquait le résultat de son expertise. Sa conclusion était foudroyante. La poudre trouvée dans l'album du Nivernais était de l'arsenic. Maxou s'attendait à cette déclaration. Toutefois, ce ne fut pas sans un tressaillement qu'il la vit formuler d'une manière aussi péremptoire. « Eh bien, n'ignoriez-vous encore la supériorité de mon procédé ?» dit Cavarox d'un ton goguenard à M. Courcejus. Le pharmacien morvandais reçut le coup sans répondre. Il semblait désespéré. « Voilà une terrible charge contre la prévenue !» reprit le juge d'instruction en se tournant vers Maxou. Et il donna l'ordre qu'on amena Flavia Morin dans son cabinet. Le greffier, pendant cet échange de paroles, avait libellé la commission rogatoire destinée au juge de paix de Rives. Il la fit signer à M. Duranger, qui sortait pour aller interroger la prévenue. Maxou et Cavarox quittèrent alors le palais de justice. « Malheureux !» dit le jeune avocat à son ami. « Tu nous perds !» Celui-ci se prit à sourire. « J'élargis ton horizon !» répondit-il. « Je te fais un piédestal, et tu ne me sautes pas au cou. Tu n'es qu'un ingrat. La belle affaire, ma foi !» Si contre mon devoir, contre ma conscience, j'eusse nié la présence du poison, tu n'aurais eu à défendre qu'une cause gagnée d'avance, et tu rentres ainsi dans la catégorie des avocats vulgaires. Je te place, au contraire, dans cette magnifique situation, de plaider l'innocence de ta cliente lorsque tu te trouves en face d'un crime, qu'elle soit ou non coupable. Si, comme j'en suis certain, tu as un talent hors ligne, du génie, tu sortiras triomphant de cette épreuve. Demain, les 100 bouches de la renommée répéteront ton nom sur toutes les gammes, et après-demain tu seras célèbre. C'est vrai, dit Maxou. Après tout, mieux vaut la certitude que le doute. Une lumière inattendue en jaillit quelquefois. À la bonne heure. Je vois avec bonheur que tu n'as pas perdu tout espoir de sauver cette jeune fille, reprit le docteur Cavarox. L'avocat ne doit s'avouer vaincu que devant une condamnation, répondit d'un ton bref Maître Maxou.